Lettre cinquième, à la hauteur du Cap Creus, le 21 septembre 1817. J'ai dit adieu à notre belle France. Déjà quelques lieues m'en séparent, et je verse des pleurs de regret. Le cœur, je le sais, est citoyen de l'univers, et il est possible que je trouve, sous d'autres cieux, des amis qui se réjouiront de ma joie et qui s'attristeront de mes peines. Mais je voudrais pouvoir m'en passer. Peu d'amis, peu d'ambition, peu de fortune, voilà le bonheur. Nous sommes partis le 17 à 7h30 du matin avec une brise légère qui nous a promenés assez longtemps dans le Goulet. J'ai dessiné une pyramide qui domine la colline située au sud de la rade et qui, prolongée, forme le cap Sepet. Que l'homme est orgueilleux. Cette pyramide est un tombeau. Le général Latouche, aussi distingué par son aimable gaieté et ses connaissances que par la manière honorable dont il a battu Nelson à Boulogne, a ordonné, quelques heures avant de mourir, qu'il fût enterré là. Son cénotaphe rappelle aux Français ce qu'ils doivent à cet illustre guerrier et aux Anglais ce qu'ils ont à redouter de ses élèves. Les Français saluent son tombeau, les Anglais en détournent la vue. La nuit du 17 a été fort orageuse. Il me serait impossible de te faire la peinture d'une tempête. Je n'existais que pour souffrir. Pourquoi faut-il, mon ami, qu'un nouvel incident, en augmentant mes regrets, réveille des désirs à peine assoupis? J'ai quitté la France depuis 5 jours. J'avais cessé de la voir. Un vent de large nous force à nous rapprocher de terre. Elle est encore là, ma patrie. Voilà, ma terre natale. C'est là que tu habites, ma famille, mes amis, tout est là. Dieu, je n'en suis séparé que par un trajet de quelques milles et je ne puis vous embrasser. Ah, du moins, parents, amis, recevez l'expression de mes sentiments, l'assurance de ma vive affection. Encore 2 heures d'avant contraire et je distinguerai peut-être des objets qui me sont si chers. De nouveaux ordres supposent de nouveaux vents. On les dit favorables. Ils m'enlèvent, hélas, toutes mes espérances. Parents, amis, patrie, adieu.